Your sound is very, very bad. You know, RP. Hello. Can you hear this? Yes, Torti, Torti, Titi. This is my new hand drum. Who, me? Okay. 1, 2, 1, 2. Better? I don't know where to place the microphone. I forget my hanger. Sound. Hey, RP, come on, play that drum. Hey, play me a birthday song. It's my birthday today. Alors, come on, allez. You need to replace your sound because we can't hear you good. Oh, thank you. Salut les top. Je t'ai fait un gros bisou. viva. To be cavernous, but I don't feel to be in a cavern. Slap, plate, is that better? Oh yeah, oh yeah, slap, plate, is c'est un hologram. Attends, je regarde si j'arrive à envoyer une photo sur Ninja. Avec mes signes. Avoir un Facebook, personne qui m'a envoyé un petit mot. Plus jamais de ma vie j'envoie un joyeux anniversaire à quelqu'un. Ça y est. Même Google me souhaite. C'est pas normal. Hein. Mais non, pas ça. Celui-là, là, écoute. Je n'avais pas mon matos, d'ailleurs j'ai bien énervé. Comment on fait pour balancer une photo? Je sais pas qu'on va balancer sur le PC. Peut-être j'ai une bonne idée. Je suis mariée? Non. quelqu'un sait comment on fait pour prendre une photo? Are you French? Are you Asian? Do you speak French? It's hot. pas crypté, toi. Moi, c'est crypté. Fantastique. Sure. Ah, the picture in inbox. Je ne sais pas comment on fait. C'est fantastique. Thank you. show a picture here in to the message.